Donc, on commence cette première table ronde avec deux témoignages de médecins généralistes, Christian Bourret et Rodolphe Charles, qui ont la particularité d'avoir dû faire face à l'épidémie du sida à la fin de leurs études, et puis comme praticien. Et donc l'idée, c'était, on les a invités d'abord parce qu'on en entendait parler, c'était des figures stéphanoises et que ça nous paraissait important de les entendre. Il y en a d'autres, hein, on a d'autres médecins qui sont aussi importants dans cette histoire, mais voilà, petit à petit, on essaye de rassembler tous ces souvenirs et toutes ces expériences. Donc on leur a demandé un petit peu d'essayer de se souvenir de ce qu'ils avaient pu vivre et traverser au cours de cette époque. Donc je vois qu'ils ont l'un et l'autre pris des notes pour rassembler un petit peu tout ce qu'il y avait à rassembler. Donc je vais vous laisser la parole. Je ne sais pas dans quel ordre vous souhaitez vous exprimer. Comment c'était le dinosaure ? C'est toi le dinosaure. Voilà, donc Christian va commencer. Et puis, voilà. Ce qui sera certainement très intéressant aussi, c'est de voir dans la deuxième table ronde, effectivement, comment les choses se sont transmises ou pas, quel apprentissage on a pu avoir de cette période-là. Alors, je mea culpa, on a mis années 90, mais effectivement, je pense qu'avant même les années 90, vous aviez déjà eu affaire à l'épidémie. Voilà, donc je vous laisse la parole. Ouais, carrément. Alors, effectivement, donc, moi, je suis un vrai dinosaure. Je termine mes études de médecine en 1983. Et c'est en 1983 qu'on découvre le virus, même si auparavant il y avait déjà des personnes qui mouraient d'une maladie un peu bizarre avec des infections opportunistes. Enfin, c'est des choses qu'on voyait très très rarement, mais qui étaient liées à une déficience immunitaire. Chez des gens très jeunes, c'était hyper rare. Bref, ça a vite tourné le climat sur une épidémie, et relativement vite, on a compris que la transmission était par voie sexuelle et sanguine. Et ça touchait surtout la communauté homosexuelle et les drogués, puisqu'à l'époque on les appelait comme ça. Il a fallu au Liebenstein pour que ça commence à changer, qu'on parle de toxicomane, avant qu'aujourd'hui on parle d'usagers de drogue. Et c'était le climat social et politique était absolument pour moi... Angoissant et très délétère, parce que les gens parlaient de punition divine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais le contexte social des années 80, heureusement qu'on a un peu avancé, mais n'empêche que c'était ça. Donc en fait, les politiques s'en foutaient, et si je peux me permettre. Hein, mais 83, pour avoir les tests, c'est 1985. Et tout à l'heure, j'ai dit l'utilisation, la possibilité pour nous de prescrire et aux pharmaciens de délivrer des seringues à usage unique, c'est 1987 sur une loi qui est faite par un ministre de droite, Madame Barzac. Et sans doute que les politiques ont pris conscience de l'ampleur de l'épidémie quand ils se sont rendus compte que ça touchait pas que les toxicomanes et les homosexuels. Voilà, donc là, ça a été effectivement la grande panique. Et alors moi, en tant que jeune toubib, j'étais bien démuni parce qu'on savait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Quel conseil donner aux gens? Est-ce que s'embrasser sur la bouche, on pouvait se contaminer? Enfin, c'était vraiment ce genre de questions. Hein, on vient vraiment de loin. Et puis, du coup, c'est l'usage du préservatif qu'on a beaucoup développé. Et nous, notre mission, c'était un peu de dire ça aux gens. En même temps, c'était pas si simple d'aborder ça forcément en consultation. Ce qui a changé pour moi après, c'est que j'ai travaillé... Alors, l'addicto, ça a commencé aussi en 83 pour moi, puisque je choisis un service de médecine générale orienté diabète et nutrition, et que dans le service où je tombe, il y avait site sevrage alcool. Donc, je découvre le soin aux personnes dépendantes là, notamment à l'alcool, à ce moment-là. Et je trouve, moi, ce soin particulièrement extraordinaire, parce qu'on est tout de suite dans la souffrance psychique et que c'est quelque chose qui m'a parlé et qui me parle toujours. Et donc, j'ai pas arrêté de faire de l'addicto, enfin de m'occuper de ces personnes-là depuis cette époque-là et jusqu'à encore maintenant. Aujourd'hui, je suis encore à l'association Rimbaud et je travaille à la communauté thérapeutique de Saint-Didier-sur-Rochefort. Alors, une communauté thérapeutique, c'est vraiment un lieu très, très particulier. Ça aussi, ça fait partie un peu de l'histoire. Il faudrait peut-être une heure de plus. Vous me dites si je commence à sortir du... Et à la communauté, c'est des gens très, très désocialisés qui arrivent là après des années de suivi dans des XAPA, CARUD. Alors XAPA, centre de soins, d'accompagnement, de prévention en addicto. Et les CARUD, centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Merci Karine. Et voilà, c'est l'étape... Après ça, où c'est des personnes qui ne s'en sortent toujours pas, qui sont très précarisées et qui ont un peu tout perdu pour ceux qui ont réussi à se construire, qui ont perdu la famille quand on a une, les enfants, le boulot, etc. Et donc la communauté, ils s'engagent un peu pour 2 ans. Alors c'est pas une prison, hein, si ça va pas, ils s'en vont avant. Ou ils font un travail sur eux-mêmes, mais ils participent à la vie de la communauté. Ils font les courses, ils font à manger, ils font le ménage. Mais il y a un jardin thérapeutique, il y a un atelier de menuiserie, il y a des animaux. Oui, voilà, un âne, des poules et des moutons. Et ils en ont pour 2 ans là, dans ce centre, et tout doucement, par étapes successives, ils envisagent parfois des formations professionnelles, des reconversions. Enfin, voilà, il y a tout un accompagnement, c'est surtout une équipe éducative. Hein, le pôle médical, il est minime dans cet endroit. Moi, je fais un peu le même travail que dans les XAPA CARUD, mais il y a beaucoup d'accompagnement sur les médicaments, puisque c'est des gens qui arrivent avec des listes de médicaments très très importantes. Souvent plusieurs neuroleptiques, plusieurs antidépresseurs, et on essaie un peu de remettre de l'ordre, si je peux dire, en y allant tout doucement, parce que quand un médicament est installé, quand un psychotrope est installé, il faut du temps pour que le cerveau se déshabitue. Voilà, donc on les accompagne aussi à ça. Et puis, voilà, donc j'ai un peu digressé. Je reviens sur le sida. Mon expérience de médecin généraliste, eh bien, ça a été... la recherche d'informations, et elle vient pas tout de suite. En reprenant les dates, j'ai d'ailleurs même été un peu surpris. Moi, je me souviens m'être abonné au journal du sida pour avoir quelques informations sur ce que c'était cette maladie, quels espoirs on pouvait avoir de traitement. Et puis, il y a eu aussi la revue indépendante Prescrire. Je pouvais pas ne pas la citer. J'ai été rédacteur au sein de cette revue. Mais n'empêche que là, pour les médicaments, vraiment, ils ont vraiment suivi tout le temps et toutes les avancées et la compréhension des mécanismes de ces médicaments. Donc ça m'a bien aidé. Et puis, en dehors de ça, il y avait aussi des lectures dans... On ne peut pas parler de romans, parce que c'est des romans, en tout cas, autobiographiques. Moi, il y a 2 romans qui m'ont marqué à ce moment-là. C'est « Les nuits fauves » de Cyril Collard, qu'il a publié en 1989. Lui, c'est un gars homosexuel, mais son histoire raconte la relation avec une fille avec qui il fait l'amour, sans mettre de préservatif, et il y a tout ce qui s'ensuit derrière, toute l'inquiétude qu'il a par rapport au risque de l'avoir contaminé et de lui avoir donné la mort, puisqu'à cette époque-là, il n'y avait pas de traitement. Et puis l'autre livre qui m'a aussi marqué, c'est « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie » d'Hervé Guibert, qui lui est publié en 1990, et là, lui, il parle... du premier traitement qu'il espérait et qu'il ne va jamais recevoir. C'est l'ami qui ne lui donne pas ce traitement, là, c'est ça le titre. Donc c'est assez terrible. Et puis Hervé Guibert, il finit aussi par mourir très peu de temps après, mais comme Cyril Collard. Donc voilà, il y a tout, vraiment la mort est vraiment associée avec les diagnostics de séropositivité. Et dans ma pratique de médecin généraliste et pas d'addicto à côté, le premier patient à qui j'ai dû annoncer sa séropositivité, c'était un patient que je connaissais bien. J'étais le médecin traitant de la famille, je connaissais les parents, je le connaissais lui. Et puis, lui, il a attrapé le sida, le HIV, avec des injections d'héroïne. Et moi, je me souviens encore de cette premier entretien, parce que bah, je crois qu'il était un peu sidéré, et je crois qu'il ne se rendait même pas compte, en fait, de l'ampleur de la catastrophe annoncée. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Dans les autres formations, s'il y a une chose très intéressante, mais c'était en 1996, c'est l'hôpital avec Dr Frézard et Lucht qui ont fait une attestation d'enseignement universitaire, je vous lis le titre parce qu'il est à rallonge, de prévention et prise en charge médico-socio-psychologique de l'infection à VIH. Là, ça a duré un an, c'était une super formation pour tous les généralistes qui étaient très motivés, et il y avait plein d'intervenants différents, et ça a effectivement beaucoup aidé, et puis sans compter après les relations qu'on avait avec le service d'infectiologie, qui était absolument indispensable. Et là, je reviendrai, moi, sur le travail, parce que du coup, on n'était pas prescripteur des médicaments quand ils sont arrivés, mais sur les effets indésirables, là, le travail avec la revue Prescrire, moi, m'aidait à repérer un peu, voilà, suivant certains effets, si c'était lié aux médicaments ou pas. Et voilà. Quoi dire d'autre ? Il y a aussi une chose dont on n'a pas parlé ce matin, qui était aussi marquante dans les années 85, c'était le scandale du sang contaminé, en fait. Hein, c'est toujours dingue, quoi. Ça touche les hémophiles qui reçoivent, je vais reprendre mon texte, ils reçoivent des facteurs de coagulation. En fait, on mélangeait plusieurs dons du sang, en fait. Et à l'époque, l'idée, c'était que chauffer les produits, ça faisait tuer le virus. Et en fait, ça a été une vraie catastrophe, puisque les chiffres que j'ai, ils sont peut-être à vérifier quand même, parce que j'ai pas retrouvé la source. Avant 85, sur 3000 hémophiles traités en France, 40% ont été contaminés par le HIV. C'est absolument extraordinaire, hein. Voilà. Dans les autres points importants, alors on l'a dit ce matin, mais effectivement, le fait que des seringues et des aiguilles soient à disposition pour ceux qui injectaient, ça a fait diminuer de manière extraordinaire les contaminations HIV chez les injecteurs de drogue. Pour moi, il y a une autre date qui arrive un peu après, ben c'est l'arrivée des traitements de substitution à l'héroïne en 1995 pour la méthadone, que moi, en tant que généraliste, j'avais pas le droit de prescrire. Mais heureusement, 96, la buprénorphine, qui est là, qui était ouvert à tous les médecins. Et voilà, donc là, je me suis mis à accompagner plus de patients injecteurs d'héroïne, dans la mesure où j'avais la possibilité de leur donner un traitement de substitution. Et là aussi, j'ai vu des patients aller beaucoup mieux, retrouver une vie sociale, familiale, amoureuse, grâce à ces traitements de substitution. C'est vraiment des moments marquants, en tout cas moi, de ma vie de médecin généraliste. Bon, bah, je crois que je vais m'arrêter là. Alors moi, je vais prendre l'histoire, mais un tout petit peu après, puisque toi, tu finis tes études, si j'ai bien compris, en 83, et moi, je les commence en 84. Donc, j'ai bien dit que j'étais dinosaure. Voilà, dinosaure, et j'arrive un tout petit peu après. Hein. Et alors, en 1984, il ne se passe pas grand-chose, c'est ma première année, on travaille en souterrain quasiment, enfin bon. Et là, j'ai rien à raconter, je me rappelle de rien. C'est plutôt en 1985, dès la deuxième année, on avait la chance de pouvoir participer à ce qu'on appelle des unités d'enseignement optionnelles. Et Madame professeure Odette Godin, qui était virologue, et le professeur Benoît Loras, qui était pédiatre, avaient organisé une unité d'enseignement optionnelle qui était faite pour les médecins qui comptaient aller dans les pays en voie de développement. Alors vous pensez, j'avais 19 ans, j'étais sûr que j'allais faire médecin du monde, et donc j'avais très très envie de faire cette unité d'enseignement. Et voilà, donc leur enseignement était basé autour de quelque chose qui est très important. Ça décale un tout petit peu du VIH, mais vous verrez pourquoi c'était important. C'était un enseignement qui était basé autour de la conférence d'Alma-Ata en 1978. Alors c'est une conférence qui est un peu oubliée, mais qui développe un travail sur ce qu'on appelle les soins primaires et aussi la santé communautaire. Et vous verrez qu'avec le VIH, bien sûr, c'est quelque chose qui a eu toute son importance en France. Et donc on travaillait essentiellement sur des pays qui venaient d'être décolonisés, qui sortaient exsangues de la décolonisation, qui reconstruisaient un système de soins et qui avaient besoin de retrouver des soignants. Alors à défaut de trouver des médecins au début et d'en trouver pour partout, on installait ce que les Chinois ont appelé des médecins au pied nu, ce que les Indiens ont appelé des rural medical practitioners, ce qui était un peu en avant-garde des infirmiers de pratique avancée qu'on est en train de refabriquer chez nous actuellement. Tout ça, ça s'appuyait sur des agents de santé communautaires, c'est-à-dire en gros des personnes qui... Alors, c'était beaucoup conçu, par exemple, quand on parle de santé communautaire au Canada, on va vous dire, ah bah oui, on a une santé communautaire, elle est destinée aux Inuits, par exemple. Quand on parle aux Brésiliens, ils vont dire, bah, on a une santé communautaire pour toutes les communautés indiennes qui vivent dans l'Amazonie. Et en Afrique, pareil, pour chaque tribu, pour chaque communauté, on mettait en place des programmes de santé communautaire qui permettaient d'accéder à des gens qui avaient plus ou moins une culture différente de la culture dominante, différente de la culture des villes, différente de la culture qu'on pouvait enseigner dans l'hôpital universitaire. Alors en France, avec les lois Debré sur le CHU, bah, l'hospitalocentrisme règne. Les gens qui veulent être médecin généraliste, bon, ils sont un peu négligés. D'ailleurs, on leur dit, dès qu'on est élève à la fac, on essaye de chaque grand professeur essaye de récupérer ses poulains pour devenir neurologue, endocrinologue, infectiologue, etc. Et donc, moi, quand je leur dis que je veux être médecin généraliste, tout le monde hausse les épaules. Le modèle est vraiment le CHU et les soins de santé primaire. Il y a même des gens, comme par exemple le professeur Gentilini à l'époque, qui défendent l'inverse des soins de santé primaire en disant que le système de soins doit être adossé à un hôpital universitaire puissant, costaud, qui doit tirer vers le haut le système. Et tout ça est fortement négligé. Je siège à cette époque-là au conseil de gestion de la faculté. Et Madame Godin et le professeur Benoît Loras sont traités de écololo, psychololo, pédagololo, gauchiste. Voilà, qui enseignent les soins primaires, et soins primaires qui deviendront la médecine générale ultérieurement. Mais à l'époque, la médecine générale est définie en creux. En gros, un médecin généraliste, c'est celui qui n'est pas cardiologue, pneumologue, gastro-entérologue, infectiologue, chirurgien, etc. Donc, il est défini en creux. Il est l'inverse de... Voilà. Je fais mon premier voyage en Inde avec le Secours Populaire Français et sur place, je rencontre un médecin qui va marquer toute ma vie. Alors, qui s'appelle le docteur Sajjad Zaher, qui exerce encore. Alors, il a 70 ans, mais il exerce encore à Devarakonda, dans un tout petit village de l'Inde. Et il est généraliste et là, je rencontre ce que c'est que la médecine générale, mais une médecine générale vraiment particulière, où on opère les appendicites, où le médecin généraliste fait des radios, où il fait des prises de sang, où il a des malades dans une pièce à côté de chez lui. Je découvre des maladies alors extraordinaires que j'avais jamais, je ne savais même pas que ça existait, des tuberculoses méningées, etc. Enfin bon, tout un tas de maladies extraordinaires je reviens en deuxième année de médecine en voulant être généraliste. Alors évidemment, je serais la risée de tous les profs que j'aurais côtoyés, sauf Madame Godin, qui en 1987 alors fait son premier cours de virologie sur le VIH. C'est le premier cours formel où il y aura des QCM dessus à la fin. Vous savez que les étudiants n'apprennent que ce qui va tomber à l'examen. Donc, c'est la première fois qu'il y a un cours sur le VIH en 1987, sur les rétrovirus. Je fais alors mon deuxième voyage en Inde. En 1988, le professeur Lush, lui, fait son premier cours sur l'infection du sida. Et pareil, il y aura des QCM à la fin de l'année. Et il y a un cours formel qui s'appelle le VIH et le sida. Et puis, il y a une leçon qui dure 2 heures là-dessus. Et c'est la première fois qu'il effectue un cours entier sur la question. Voilà. En dermatologie, alors je passe en dermatologie... on voyait, c'était très trié à l'époque, et les dermatologues voyaient les sarcomes de Kaposi. Alors, probablement, même dans cette salle, il y a plein de monde qui ne sait pas ce que c'est, parce qu'il n'y en a presque plus, parce que depuis que les VIH sont repérés relativement tôt et mis sous traitement en état présymptomatique, le sarcome de Kaposi n'a plus le temps d'arriver. Mais à cette époque-là, il y a beaucoup de sarcomes de Kaposi. Alors, l'ambiance est vraiment particulière pour rentrer dans les chambres de patients. Alors, il n'y a que 2 situations pour rentrer dans la chambre de patients. Il faut être l'interne qui s'occupe du malade, ou alors il faut être l'externe qui a pris l'observation. Alors prendre l'observation, je sais pas si tout, ceux qui ont pas fait médecine, ils savent peut-être pas ce que ça veut dire, mais c'est quand on est un petit externe de quatrième année, tout bien sage et tout, on va voir le patient et on copie tout, comment ils sont ses ongles, comment ils sont ses orteils, comment sont ses talons, est-ce qu'il a la peau sèche, est-ce qu'il a le foie, la rate, etc. On mesure absolument tout, puis on écrit un truc qui s'appelle l'observation. Voilà. Et il y a donc dans la chambre des patients atteints de sarcome de Kaposi, ont le droit de rentrer que l'externe qui a pris l'observation et l'interne qui est référent du patient. Les autres attendent dans le couloir pendant le tour professoral. Hein, chacun suit le professeur qui fait la leçon. Et puis il faut mettre alors tout le bazar. Hein, donc fallait mettre les lunettes, les gants, la surblouse, le masque, voilà. Et puis il faut faire attention à pas toucher le malade. Voilà. Donc c'est 1988, 87, 88. Hein. Bon, c'est mon initiation, on va dire, un petit peu sur ces questions-là. Et voilà, en 1989, je retrouve Odette Godin. Alors, elle participe à un programme de lutte contre la tuberculose en Inde. Elle a fait pas mal de trucs, entre autres, a confirmé à l'OMS la disparition de la variole. Elle a fait partie de ces équipes qui étaient quand même assez globetrotteurs et qui bossaient un petit peu partout pour la santé publique infectieuse. Et je retrouve Madame Godin au Secours Populaire sur un programme en Inde sur la tuberculose. Mais elle me dit, oh, pour ton service... Alors, à cette époque-là, il fallait faire l'armée. Ce qui m'inspirait vraiment pas du tout. Et donc, je décide de faire un service des objecteurs de conscience. Alors, qui était punitif, puisqu'il fallait faire 2 ans. Mais enfin, bon, quitte à faire 2 ans quelque chose qui est intéressant, je préférais. Et donc, je me dis que je vais bosser pendant 2 ans au Secours Populaire. Et Madame Godin me dit, ce serait bien dans ce contexte qui est le contexte d'une épidémie qui était quand même pas du tout enrayée. La ZT était à peine commencée de distribuer, hein, y en avait à peine pour tout le monde. Et elle me dit, ce serait bien que tu travailles sur la prévention du VIH et en particulier pour les populations défavorisées, pour les populations qui fréquentent, côtoient le Secours Populaire français. Et j'ai la chance de rencontrer alors Chantal et Franck Feuillade, qui sont 2 médecins épidémiologistes qui bossent sur cette question de population défavorisée et de prévention du sida, et puis Nadine et Alfred Spira, à l'époque, qui sont chercheurs à l'unité 292 de l'INSERM. Vous savez, c'est l'unité qui maintenant, c'est Nathalie Bajos qui s'en occupe, qui s'occupe de la sexualité des Français et qui font ces grandes enquêtes, alors qu'on n'a pas les moyens de faire très souvent, hein. On les fait tous les 10 ans à peu près, hein, parce que ça coûte très très cher, où on interroge à peu près 20 000 Français sur leur sexualité, et on les interroge très longuement pour comprendre les comportements sexuels des Français. Et donc je rencontre Nadine et Alfred Spira, Chantal et Franck Feuillade, Odette Godin, et ils me construisent un projet, enfin je construis avec eux, parce que c'était quand même une co-construction, hein, d'un projet de santé communautaire multicentrique dans plusieurs fédérations du Secours Populaire français, dans 7 départements en France, et dont je devrais assurer le pilotage en tant que, on va dire, allez, si on était dans le vocabulaire scientifique, on parlerait d'investigateur principal. Voilà. Et donc, je me promène dans les différentes fédérations du Secours Populaire en France pour monter des programmes de santé communautaire autour de la prévention du VIH. Ce sera d'ailleurs mon sujet de thèse d'exercice. On avait eu une grosse bourse de la FLS. Et donc, en 1990, j'entre au Secours Populaire et je réalise 2 ans de service civique. Alors normalement, je suis interdit de quitter le territoire pendant le service civique parce que c'était comme ça, mais comme j'étais transgresseur épouvantable, je vais pratiquement tous les 3 mois en Inde pour le projet tuberculose et le projet de développement en Inde. Et puis le reste du temps, je fais ça, je fais de la santé communautaire. Alors je me dis qu'évidemment, la première des choses à faire, c'est de travailler avec l'association AIDE. Donc je vais voir l'association AIDE Saint-Étienne, où je rencontre le président qui a précédé Alain Formanteau. J'ai complètement oublié son nom, je pensais peut-être trouver Alain, mais il n'est pas là pour me dire. Et le président qui a précédé Alain Formanteau, il avait une petite canne et un chapeau, je me rappelle. Et c'est lui qui m'a formé. À ce moment-là, on oblige, et c'est très bien, hein, le mot obligé n'est pas du tout péjoratif, tout bénévole, tout candidat au bénévolat à l'association Aide à faire une formation. Et une formation qui est vraiment une formation, quelque part, c'est l'enseignement des patients experts, quelque part. Hein, et c'est le début de... Alors maintenant, ça s'appelle comme ça, hein, on dit l'expertise patient, on dit voilà, les patients experts. Et je fais la formation de l'association Aide, dont une partie est faite, bien sûr, par le professeur Lucht, une partie est faite par Anne Frézard, une partie est faite par, je ne sais pas, il y avait Odette Godin aussi qui faisait la viro. Enfin, et puis, il y avait aussi les patients formateurs qui venaient nous former. Je pense au nom, c'est pas Michel Kolz ? Oui, c'est peut-être ça, ouais. Et tout à fait. Et donc, j'adhère à l'association Aide. Voilà, à l'époque, on n'appelle pas ça l'expérience patient, le patient expert, le père aidant, le patient formateur. C'était pas comme ça, mais n'empêche que c'était le principe. Et ça m'a finalement, dès lors, alors que j'étais en sixième année de médecine, hein, initié à ces concepts. Et je les ai initiés, ça m'a initié finalement en expérimentant directement ce type de formation. Voilà, et j'apprends les cours sur être malade, l'écoute compréhensive, l'accompagnement, la prévention. Je participe à Avignon, ça devait être un deuxième congrès de la FLS, sur un rassemblement d'acteurs de prévention autour du VIH. J'assiste à du théâtre forum qui m'impressionne fortement. Des acteurs jouent des scènes de drague et demandent au public de négocier l'usage du préservatif. Le titre de la pièce de théâtre s'appelle « Encore une soirée de raté ». Voilà. Et puis ils sont forts, hein, les comédiens, à te faire échouer à négocier le préservatif. C'est le principe. Et donc chacun monte sur scène et va... tenter pour coucher d'imposer le préservatif dans la relation. Je participe à des formations bénévoles. Alors, une qui va beaucoup m'impressionner, c'est une à Paris. Il y avait Odette Godin qui était censée représenter, on va dire, la science, hein, pour expliquer l'épidémiologie du VIH, etc. Et en présence d'Arnaud Marty Lavozel, qui avait succédé au décès de Daniel Defer. Et Madame Godin, qui, alors pour moi, représente une figure absolument respectable, admirable. Enfin, moi, j'étais son fils spirituel, hein, d'une certaine manière. Elle se fait mais complètement défoncer par Arnaud Marty Lavozel, qui la chope à part, mais qui lui met des uppercuts intellectuels, évidemment, mais enfin en lui disant « Vous pouvez pas dire ça, vous vous rendez compte, vous dites que le sida est une maladie mortelle, c'est inadmissible. » Et en même temps, Madame Godin qui dit « Mais vous savez, si c'était pas une maladie mortelle, on serait pas là en train de réfléchir sur de l'épidémiologie et faire de la prévention et dépenser des millions à véhiculer des formules de prévention, enfin des dispositifs de prévention, etc. » Mais elle se fait littéralement laminer. Et moi, je suis très ému de ça et très remué par cette formation. Cependant, je comprends aussi ce que c'était les enjeux, hein, à l'époque. C'était aussi des enjeux. Il y avait des enjeux de pouvoir. C'était aussi des équipes qui s'affrontaient. C'était aussi ça, la prise de pouvoir des patients. C'était aussi ça, l'empowerment. C'était aussi ça. Alors, Arnaud et Marty Lavozel, c'était pas un patient tout à fait particulier. Il était particulier, il était psychiatre, il était aussi médecin quelque part, et donc il avait une espèce de double casquette puisqu'il faisait partie des deux pouvoirs, celui des patients et des associations et celui aussi des médecins. Voilà, et je comprends cette peur de la santé communautaire. En fait, je la comprends aussi comme un processus discriminatoire des groupes de médecins traditionnels qui ont peur de la contamination par la culture gay. Qui à cette époque est quand même une communauté stigmatisée, mortellement atteinte par un virus, mais qui finalement en ce moment-là est réagi par un espèce, moi j'appelle ça un retournement goffmanien, hein, du stigmate en avantage, qui inquiète les autorités, qui inquiète les médecins et finalement il se passe vraiment des affrontements, quoi, entre communautés. Je commence à comprendre le vocabulaire qui fait rejeter la santé communautaire, par exemple parce que effectivement la santé communautaire est vue par le pouvoir médical comme une santé communiste, donc c'est en gros les gauchos de tout à l'heure, hein, ou alors comme communautariste, c'est-à-dire des espèces de séparatistes qui voudraient presque prendre le pouvoir. Ou, voilà. Et donc, je commence, moi, à l'association Aide, à comprendre les codes, à comprendre l'humour. Il y a plein de blagues, l'humour sida qui pourrait s'assimiler un petit peu à l'humour, alors qui est aussi un humour gay quelque part, mais qui pourrait s'assimiler à des formes d'humour belge ou d'humour juif. Hein, les patients lisent des publications. Enfin, je vous passe les blagues, hein, mais vous les connaissez sans doute. Enfin, elles ont peut-être été expliquées. J'ai pas pu venir à toutes les après-midi, mais du genre. Le patient qui voit son collègue et puis qui lui dit « Oh là, tu sais, ça va super bien, j'ai doublé mes T4, ah bon ah ben oui, j'en avais 4, j'en ai 8. » Bon, voilà, donc tous ces humours et qu'on subissait d'ailleurs en formation, hein, parce que tu avais souvent un patient qui affirmait très, très haut et fort qu'il avait le VIH, qu'il était allé en cure de pentacarina ou de je sais pas quoi la veille, et qui croquait dans une pomme et qui disait « Tiens, t'en veux ?» Et toi, tu étais là à dire « J'aimerais bien lui dire non, mais j'aimerais bien peut-être lui dire oui aussi pour lui faire plaisir, mais je sais vraiment pas ce que je dois répondre. » Voilà, puis bon, allez, t'inquiète, c'est pas grave. Non, mais on croque pas dans les pommes après un camarade. Enfin, voilà. Et donc, il y avait ce type d'humour régulièrement et que je me mets un peu à apprendre. Voilà, et alors ce qui me permet aussi de faire des bons, c'est qu'en fait je suis attribué officiellement comme objecteur de conscience au Secours Populaire et non à l'association Aide, ce qui fait que je peux de temps en temps me reposer un peu. Voilà. Alors au Secours Populaire, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est le début d'un truc qui s'appelait les RMI. Alors je ne sais pas si vous rappelez ça, c'est une loi qu'avait inventé Rocard en 1988. Et c'était pour avoir le droit de toucher une petite somme d'argent assez ridicule, mais voilà, quand même un petit qui permettait de survivre, de tenir la tête hors de l'eau, les personnes devaient travailler dans des petits ateliers. Et au Secours Populaire, il y a plein d'ateliers de repassage, de pliage de vêtements, de lavage, de couturière, ou des gens qui ramassaient des meubles, ou qui les restauraient, qui les remettaient un peu d'aplomb. Et dans ces ateliers d'insertion, où il y avait Marie Goudbarge, par exemple, essentiellement, hein, qui faisait ses ateliers d'insertion, qui faisait de l'économie sociale et familiale, on arrivait à créer des petits ateliers VIH où on pouvait discuter. Alors, c'était très simple. Hein, c'était comment ça s'adresse. C'est exactement ce que tu racontais tout à l'heure. Hein, est-ce que si on s'embrasse sur la bouche, ça craint? Est-ce que si on se fait piquer par les moustiques, c'est dangereux? À quoi ça sert le préservatif? Etc. etc. Voilà. Avec Aide, bah, je fais un petit peu d'écoute téléphonique à SIDA Info Service. Ça a été mis en place en 1985. Et puis surtout, Aide va me demander d'intervenir en milieu scolaire, et en particulier à Montbrison, parce qu'à Montbrison, vous avez un sénateur, qui s'appelle le sénateur Poirieux, une grande famille de politistes de l'époque, plutôt à droite, vous l'aurez compris, voulait faire passer un texte de loi pour interdire les distributeurs de préservatifs dans les établissements scolaires. Du coup, pour faire de la prévention du sida dans les établissements scolaires, c'était bien de s'appuyer quand même sur quelqu'un qui était de la fac de médecine, surtout dans la ville du sénateur Poirieux, quoi. C'était... Parce que chacun le sait bien, hein, quand on a trouvé un préservatif, on trouve un partenaire. C'est évident, c'est pas dans l'autre sens que ça se passe. En général, c'est à mon avis plutôt dans l'autre sens. C'est quand tu trouves un partenaire, il vaut mieux avoir un préservatif. Mais bon, pour le sénateur Poirieux à l'époque, c'était l'inverse. Donc il fallait faire très attention. Et puis sur la fin de mon service national, là je pense avoir assez de billes pour pouvoir organiser quelque chose d'un peu plus, tonitruant, on va dire. Alors avec 4 collèges, Fauriel, Thézenas du Moncel, Puy de la Loire et Benoît-Chervet, on construit un projet de Red Sida, alors qui est un truc qui était assez innovant à l'époque. J'avais vu ça un petit peu, mais on ne l'avait encore jamais fait vraiment en France de cette manière-là, où on va distribuer des maillots à tous ces gamins de 3e. On leur donne un maillot qui c'était marqué Red Sida ou quelque chose comme ça, enfin je ne sais plus exactement, et ils vont pouvoir avoir la stase gratuite. Et puis ils ont un jeu de piste et ils doivent aller. Alors ils allaient, j'ai repris mon papier. Hein, ils allaient au service de professeur Lucht. Alors évidemment, ils rentraient pas dans le service. Hein, ils allaient dans une petite pièce sur le côté. C'était Anne-Marie Lantner qui les recevait. Et ils avaient une petite séance sur qu'est-ce que c'est qu'être malade du VIH et qu'est-ce que c'est que À cette époque-là, c'était pas vivre avec le VIH. Hein. À cette époque-là, c'était être malade du sida. Hein. C'était tout de suite hard. Hein. Voilà. Et après, ils allaient aussi au centre de dépistage anonyme et gratuit. Alors là, c'était Patrick Michaud qui les recevait et une infirmière. Il y avait une infirmière qui s'occupait des malades et voilà. Et il y avait aussi l'établissement français du sang. Et là, c'était l'équipe du docteur Le Petit. Il y avait évidemment le service de virologie d'Odette Gaudin alors, et de Bruno Pozzetto qui lui succédera. Hein. Et alors là, c'était pareil, c'était plus fictif. Hein. Ils allaient dans une salle de classe et puis on leur montrait 2-3 photos du VIH au microscope électronique. On ne pouvait pas bien faire bien plus. Ils n'allaient pas aller regarder des tubes à essai, hein, évidemment. On les envoyait à l'association AIDE, au Secours Populaire, au Centre Rimbaud, au Comité Français d'Éducation à la Santé. Alors là, c'était Madame Chataigneret, j'ai retrouvé tous les noms. Hein. Et au Planning Familial avec Luce Bonnet. Voilà, et il fallait qu'ils résolvent à chaque endroit où ils passaient. Ils avaient des petits QCM ou des petites phrases ou des petites choses à cocher, et il fallait qu'ils résolvent des petites énigmes. Voilà, et je leur faisais un pré-test, un post-test, voilà, enfin bon, c'était tout un bazar. Et puis il fallait quand même que je fasse un petit peu de la science pour que je montre à Alfred et Nadine Spira et Odette Gaudin que j'avais fait une thèse qui était quand même bien, bien, bien foutue, quoi. Voilà. Et puis, alors, moi, je ne savais pas faire ça. Hein. Vous imaginez bien que je promenais comme ça 300-400 gamins dans toute la ville de Saint-Étienne. On était un peu moins flippés que de nos jours, mais quand même, c'était quand même un peu flippant. Donc, je m'étais fait aider de l'Amicale Laïque Chaplon, et en particulier de René Fajon, et de la MJC des Tilleuls, des Francas, de la Mutualité de la Loire, pour trouver des sous aussi pour acheter les maillots, de la Stas, etc., de la mairie de Saint-Étienne. Voilà. Voilà, j'ai terminé mon service national en 1992, soutenu ma thèse d'exercice et puis après, je suis installé à la campagne et j'ai soutenu ma thèse en 92 et il y avait au jury Frédéric Luche, Odette Gaudin, Hugues Rousset, voilà. Et juste pour information, le Raid Sida, il aurait été organisé 7 ans de suite en impliquant chaque fois plus de collèges. Voilà, avec des petites adaptations. Après, ils ont fait ce qu'ils ont voulu parce que moi, je les ai complètement lâchés. Donc, c'est aussi ça le principe de la santé communautaire. Hein, c'est que la première année, tu montres et puis après, ça se fait tout seul. Voilà, et ça a continué. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ces époques. Et puis, si vous voulez que je vous dise à quoi ça m'a servi tout ça, ça m'a servi déjà quelques années. Il y a quelques années, le doyen Zeni est venu me chercher à la sortie de la fac. Il fumait une clope en sortant de la fac et il me dit « Rodolphe, faut que je te demande un truc. Il faut que tu me construises un diplôme universitaire de lutte, d'accès à la santé, de lutte contre les discriminations. Bah, » je lui dis bien monsieur le doyen, hein, c'est comme ça qu'il faut dire quand on a le doyen qui demande un truc. Je lui dis bien monsieur le doyen. Et on a construit ce diplôme universitaire qui a tourné pendant 3 ans et qu'on est en train de poursuivre. Voilà. Et ça m'a et cette expérience avec l'association AIDE il y a 40 ans m'a quand même beaucoup marqué pour fabriquer ça. Voilà, alors ça continue de me... Ça m'a marqué aussi l'expérience patient, la paire aidance, la formation des patients. Maintenant, je travaille avec Eve Gardien, qui est maître de conférence en sociologie à Rennes, autour de son séminaire et des savoirs expérientiels rares. Et je pense que ça aussi, c'est l'expérience de travailler avec l'association AIDE qui m'a donné ce goût-là. Pour la santé communautaire, vous voyez comment il y a un passage de la santé communautaire pour pays en voie de développement à la santé communautaire pour communautés gays en France. Hein, c'est d'ailleurs une des premières grandes expériences de santé communautaire à l'échelon national, l'expérience de AIDE qui a été assez importante. Et après, j'ai mis en place moi aussi un dispositif de santé communautaire pour les sourds, puisqu'on a fait du soin pour les sourds en langue des signes française avec des agents de santé communautaire sourds, qui étaient des intermédiateurs sourds qui venaient à nos consultations pour nous aider. Donc vous voyez que je suis passé du VIH au handicap aussi. Hein. Et puis je pense que d'avoir bossé avec Alfred Spira, je ne sais pas si vous savez qui c'est Alfred Spira, mais il est devenu après directeur de l'INSERM. Donc c'est peut-être lui qui m'a quand même aussi un peu donné le goût de la recherche et envie de poursuivre dans une carrière universitaire. Voilà. Et puis j'avoue que d'avoir été très très jeune étudiant en médecine, confronté à toutes ces dynamiques sociales, c'est sûrement ça qui m'a donné envie d'aller construire avec Thomas Bujon et Christine Dourlance il y a quelques années ce master dont sont issus certains des étudiants ici ou qu'étudient certains étudiants ici. Voilà, et qui s'appelle maintenant, enfin il a changé de nom plusieurs fois, mais maintenant il s'appelle Enjeux sociaux des politiques de santé. Et c'est aussi pour ça que je m'occupe d'humanité en santé à la fac de médecine pour la première, deuxième et troisième année de médecine. Parce que je pense que c'est ce que m'a fait découvrir l'épidémie du VIH. Merci beaucoup à tous les deux. Nous avons largement le temps de prendre des questions. Je commence puisque j'ai le micro. J'ai une question pour vous, Christian, sur dans votre remise en mémoire, que ce soit cette question pour aussi s'adresser d'ailleurs à Rodolphe d'une certaine manière. Il semblerait que la rencontre, la première rencontre, alors je dirais pas avec le premier cas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui est un enjeu assez fort. Par la suite, alors peut-être que c'est un effet de la présentation, vous n'évoquez pas les autres cas, notamment dans le champ de la toxicomanie, que vous auriez pu rencontrer et vous évoquiez un effet de sidération ou de incompréhension, je ne sais pas comment appeler cet état dans lequel se trouvaient les patients que vous suiviez. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur comment, dans une incertitude la plus totale, comment vous avez fait pour finalement orienter, trouver des solutions, expliquer tout simplement ce qui se passait? Oui, alors effectivement... La question est compliquée, je suis désolé. Oui, mais c'était compliqué. J'ai parlé du premier patient à qui j'ai annoncé sa séropositivité, mais ça, c'était dans le cadre de mon activité. C'était au cabinet, donc là, j'étais tout seul. Je dis quand je suis tout seul, c'est qu'effectivement, à Rimbaud, on est quand même une équipe et qu'on peut toujours s'appuyer un peu sur les autres collègues, voire faire des entretiens communs. Je me souviens bien de ce premier patient parce qu'en plus on se connaissait déjà depuis un petit moment. Voilà, je connaissais les parents. Pour si vous voulez en savoir plus, l'entretien s'est passé en présence de sa mère. Il est venu avec sa mère et du coup ça a été un dialogue à trois avec lui qui était complètement largué et c'était très très ennuyé en fait. Ça se passe comme ça, mais bon, c'est lui qui avait choisi, hein, qui est sa mère ici à cette consultation. Et sa mère qui, par contre, elle, s'était documentée à fond. Et bon, bref, j'ai passé un peu mon temps à la calmer, entre guillemets. Enfin, en tout cas, à éviter qu'elle vienne trop intruser. Voyant bien comment ce jeune ne mesurait pas, finalement, la gravité de la situation. Mais c'était pas au début de l'épidémie en fait. Hein. Ça, c'est donc il y avait déjà les traitements de substitution. Donc moi, je me souviens plus vraiment, mais je pense que je me suis aussi appuyé là-dessus en mettant en avant pour qu'il arrête les injections d'héroïne, éventuellement les traitements de substitution, et puis j'ai dû l'adresser au service d'infectieux dans la foulée, quoi. Mais en le laissant un peu sur sa faim, on en a reparlé après, mais sur le coup. Et moi, je pouvais pas aller. Enfin, c'était compliqué dans la relation. J'attendais plutôt ces questions, quoi. Enfin, voilà. Mais j'avais regretté quand même que ça se passe à trois. C'était quand même un peu particulier. Bon. Voilà pour le premier. Après, vous voulez que je continue? Après, il y en a eu un deuxième. Là, c'était. Mais là, j'en ai voulu au labo parce que c'est quelqu'un que je connaissais pas. Le labo d'analyse qui était pas bien loin de mon cabinet m'appelle pour me dire « On a un patient, on a fait le test, il est positif, nous on peut pas lui donner le résultat, on vous l'envoie. » Bon, donc le gars, il déboule dans le cabinet avec son résultat et là pareil, il me dit « Mais alors c'est quoi, je suis positif ?» C'est vraiment très très dur hein, de se retrouver dans cette situation. Je ne pouvais pas lui dire non. Je dis, oui, il est où ? Alors du coup, je m'appuie sur le truc. Je me dis, c'est juste le test ELISA. Il va y avoir le lot de confirmation à l'époque. Hein, je ne sais pas si ça, on continue comme ça. Donc du coup, moi, je lui dis, oui, mais ça veut, il faut faire un test de confirmation. Et le gars, il a pété un câble complètement, quoi. Il se met à m'engueuler. Moi, je ne savais plus où me mettre. J'étais désespéré pour lui. Ce n'était pas tant moi. Je m'en foutais qu'il m'engueule, mais surtout... Et puis j'en voulais vraiment au gars du labo qui me l'avait balancé comme ça, quoi. C'est de la maltraitance. Bon, j'étais pris dedans. Je m'en souviens encore. Ça me fait encore un peu frissonner. Et puis plus tard, mais ça c'est une autre histoire, mais ça renvoie... je vous donne les trucs, mais c'est toujours dans le cadre de mon activité de médecin généraliste en cabinet. Quelques temps plus tard, je vois aussi, c'est un patient que je connaissais bien, une famille que je connaissais bien, et lui vient avec son résultat de HIV positif, et il me dit, Christian, je suis positif. Bon. Alors lui, il était au courant de tout. Bon, là, il y avait les médicaments existaient déjà, mais la problématique pour lui, c'est qu'il était marié, qu'il avait eu un enfant et que du coup, son angoisse, c'était d'avoir contaminé et sa femme et son gamin. Voilà, donc il y a eu, on a parlé un peu de ça. Bon, heureusement pour eux, il avait contaminé personne d'autre, mais voilà, il y avait, c'était un peu anxiogène, hein, pour bon. Mais c'était quelqu'un qui avait déjà pas mal réfléchi, mais du coup qui s'est retrouvé à parler de son homosexualité à sa femme. Enfin bon, c'était encore d'autres problématiques qu'on rencontre dans ce boulot. Quant après, à Rimbaud, j'ai commencé, moi... Alors donc, j'ai accompagné des patients en traitement de substitution, mais qui étaient déjà pris en charge par ailleurs par l'équipe hospitalière. Donc là, j'étais moins impliqué par rapport aux annonces, mais je n'avais plus à faire d'annonces, mais j'étais plus impliqué sur les effets indésirables des médicaments, éventuellement. Enfin voilà, l'accompagnement, le soutien. Voilà. Bon, ça, c'était mon job, le boulot que j'aime bien, moi, accompagner les gens dans toute cette dimension-là. C'était parfois compliqué, parce qu'on était appelé des fois sur... Je me souviens d'un gars qui était vraiment au fond de son lit, son copain était là, il savait pas comment faire. Alors bon, c'était décision d'hospitalisation, mais si je le faisais hospitaliser, comme il avait pas annoncé à sa famille qu'il était malade du sida, qu'il prenait des médicaments, c'était quoi ? Enfin, il y avait tout ça qui était en jeu. Voilà. Et comment on fait ? En même temps, il était tellement mal que finalement, je décide avec lui et son copain de le faire hospitaliser. Mais il y avait quand même tout ça derrière. Et... Bon, après, ça entraînait des discussions avec son copain, comment faire pour annoncer à la famille, pour... Bon, voilà, des questions philosophiques, existentielles, humanistes. Ce matin, on a beaucoup parlé de PrEP, d'outils à disposition, de seringues à usage unique, etc. Mais finalement, il y a quand même affaire à des situations inextricables et sur lesquelles il n'y a que l'aide qu'on peut apporter. À ce moment-là, c'est pour pouvoir prendre une bonne décision, faire des bons choix, etc. Enfin, il me semble que ça a ouvert un espace aussi relationnel extrêmement dense. Et, oui, oui c'est, et du coup, c'est ce qui fait aussi le... Désolé de dire ça, mais l'intérêt de ce soin. On est tout de suite dans un soin très, très, très intime aussi. Enfin, du coup, d'où l'importance de travailler sur la relation de soin. Comment on avance et voilà, comment annoncer une mauvaise nouvelle et comment faire justement dans des situations qui nous sont balancées comme ça. Donc, on n'a même pas le temps de préparer. Quoi. Le gars qui déboule du labo. C'est vraiment l'horreur pour tout le monde, pour lui, pour moi. On est pris au piège de cette histoire. Ce gars, je ne l'ai pas revu après. J'aurais aimé qu'on puisse discuter. Enfin, mais bon. Mais oui, après, ouais, et c'est le soin qu'on fait en addicto. C'est ce soin-là. Ce soin m'a tout de suite plu. Alors, à l'hôpital, c'était au tout début, donc en 83. Ah oui, il faut que je vous raconte quand même. En 83, c'était donc des malades alcoolodépendants. Et pour vous dire d'où je viens, en 83, ces soins, on faisait un sevrage, et les soins qu'on faisait s'appelaient des cures de dégoût. Alors pourquoi des termes aussi barbares ? C'est qu'à l'époque, on leur faisait l'observation, c'était de leur demander leur alcool préféré, et au petit déjeuner, l'infirmière passait avec le plateau de leur alcool préféré, et on leur donnait un médicament qui s'appelle l'Espéral. Le vrai nom, c'est le disulfiram, qui est un médicament qui, mélangé à l'alcool, fait vomir, fait battre le cœur rapidement, fait des rougeurs du visage, enfin... Voilà, ça rend pas très bien. Et il fallait leur dire, ah non mais voilà, tu vois bien comment ça te rend malade, hein, tu vas être vraiment dégoûté de ton whisky ou ton truc. Enfin, c'est de la thérapie cognitive et comportementale de facho. Voilà, donc j'ai fait ça, mais moi j'ai fait ça en tant qu'interne, je pouvais qu'obéir aux ordres. Heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps, parce que je suis resté vacataire dans ce service jusqu'à sa fermeture en 93. Heureusement, la méthode a laissé tomber. Et alors, il n'y avait pas que ça. Alors en plus de ça, grâce à ma bonne revue Prescrire, j'apprends que le disulfiram, il est toxique pour le foie, que ça peut donner des hépatites. Ça tombe bien pour des gens qui ont aussi un foie un peu fatigué, souvent. Et puis, on leur donnait aussi un médicament dont le nom commercial, c'est Atrium. Et c'est un mélange de barbiturique et de carbamate. Enfin bon, vraiment. Donc, phénobarbital et puis carba, je sais pas quoi. Donc, des psychotropes bien costauds. Ça aussi, pour le cerveau, voilà. Enfin bon, c'est compliqué, hein. Enfin, c'était compliqué. C'est pour dire d'où vient la communauté médicale sur l'approche des patients ayant des problèmes d'addiction. Hein. Alors, je pense à ça, c'est 83. Alors, à la fois 83, oui, pour certains d'entre vous, ça vous paraît très très loin. Pour moi, pas tant que ça. Je me dis quand même qu'en plus de 40 ans, aujourd'hui, en consultation, à Roanne, parce qu'il y a une stéphanoise ici, de manière que ça ne se passe pas tout à fait comme ça, mais à Roanne, dans mon placard, dans la salle de consultation, je tire la porte et je peux donner du matériel de réduction des risques au patient qui est là et qui me dit, bah ouais, il vient chercher sa méthadone, mais que aussi ce week-end, il va shooter, il va prendre un peu de trucs, et donc, bah voilà, qu'est-ce que tu veux, quoi.